fut un silence. Quelques derniers voilés on m'a désaccordé se souviennent tes danses. Plus de chansons, plus de bateaux, de filles, ni de piano, ni de balade au bord de déchire le nuage. On ne vient plus danser, on ne vient plus rêver sur la petite plage. Plus de chansons, plus de bateaux, de filles, ni de piano, ni de balade au bord de l'eau. Les volets sont tirés, on a fermé boutique. C'est la fin de l'été, les rues désertées s'ouvrent d'autres musiques. Plus de chansons, plus de balles.